Moi je viens d'ailleurs. Oui, moi je viens d'ailleurs. Moi je viens d'ailleurs. Je chante la robe de nos comptes et la richesse de nos valeurs. Je raconte les misères, les joies, les tristesses, nos grands cœurs. Tu crois que je viens de loin, pire, moi je viens d'ailleurs. Je remue la pourriture de ce monde, je fais part de nos rancœurs. Je suis le bel et le tien, le lien de nos malheurs. Tu crois que je viens de loin, pire, moi je viens d'ailleurs. Oui, moi je viens d'ailleurs. Moi je viens d'ailleurs. Ouais, moi je viens d'ailleurs et d'ailleurs. J'ai vu cette belle beurette. Tout à l'heure à la fine taille en tailleur, j'en rêve. Depuis belle lurette, j'ai fait le bête et je regrette. J'aurais voulu lui dire dans ses oreilles sourdes, monte sur la scène, serait. Elle vient de Babinouel. Je l'ai croisée à l'aéroport juste avant qu'elle reparte dans son bled. Elle m'a ébloui comme le soleil. Puis elle est partie, a dû m'oublier comme un vieux rêve. J'écris pour qu'en 10 ans je m'en rappelle, comme si c'était la veille. Et si tu m'entends, c'est pour toi que j'ai écrit ces lettres. Oui, j'aurais voulu apprendre à mieux te connaître. Impossible pour moi d'oublier ta silhouette. Oui, j'aurais voulu apprendre à mieux te connaître. Impossible d'oublier cette belle beurette. Là encore, j'aurais voulu bloquer le temps. Mais on choisit pas quand le destin en décide autrement. Je chante la robe de nos comptes et la richesse de nos valeurs. Je raconte les misères, les joies, les tristesses, nos grands cœurs. Tu crois que je viens de loin et pire, moi je viens d'ailleurs. Je remue la pourriture de ce monde, je fais part de nos rancœurs. Je suis le bien, le mien, le tien, le lien de nos malheurs. Tu crois que je viens de loin et pire, moi je viens d'ailleurs. Oui, moi je viens d'ailleurs. Moi je viens d'ailleurs. Drôle d'époque, l'homme ne fait que juger son prochain. Et tu connais les scénarios. Un gros con comme Bob Marley, mon cousin. Et ma rime tapine comme les travailleurs. Ils finiront même par bombarder ton terrain. Et ce sera pire qu'à Sarajevo. Un gros con comme Bob Marley, mon cousin. Et ma rime tapine comme les travailleurs. Ouais, moi je viens d'ailleurs et d'ailleurs. Je me rappelle certains moments de ma vie où j'aurais aimé graver mais bloquer le temps. Ouais. Comme la première fois où j'ai rencontré mon daron. Je te jure qu'à ce moment les heures sont devenues des secondes. Mais j'aurais quand même aimé bloquer le temps. Pouvoir rattraper ces 23 ans. Oui, bloquer le temps. Pouvoir profiter des jours entiers de ce petit instant. Une après-midi qui marque à ma vie. Et c'est avec le sourire, mon frère, que je t'en reparle aujourd'hui. Là encore, j'aurais voulu bloquer le temps. Mais on choisit pas quand le destin en décide autrement. Je chante la pauvreté de nos comptes et la richesse de nos valeurs. Je raconte les misères, les joies, les tristesses, nos grands cœurs. Tu crois que je viens de loin, pire, moi je viens d'ailleurs. Je remue la pourriture de ce monde, je fais part de nos rancœurs. Je suis le bien, le mien, le tien, le lien de nos malheurs. Tu crois que je viens de loin, pire, moi je viens d'ailleurs. Oui, moi je viens d'ailleurs. Moi je viens d'ailleurs. Arriba! Ay, ay, ay, caramba! El muchacho, señorita! Drôle d'époque, l'homme ne fait que juger son prochain. Et tu connais les scénarios. Un gros con comme Bob Marley, mon cousin. Et ma rime tapine comme les travailleurs. Ils finiront même par bombarder ton terrain. Et ce sera pire qu'à Sarajevo. Un gros con comme Bob Marley, mon cousin. Et ma rime tapine comme les travailleurs. Je nous compte la richesse de nos valeurs. Je raconte les misères, les joies, les tristesses, nos grands cœurs. Tu crois que je viens de loin et pire, moi je viens d'ailleurs. Je remue la pourriture de ce monde, je fais part de nos rancœurs. Je suis le bien, le mien, le tien, le lien de nos malheurs. Tu crois que je viens de loin et pire, moi je viens d'ailleurs. Oui, moi je viens d'ailleurs. Moi je viens d'ailleurs.